Chapitre 39e. Lorsqu'un individu passablement organisé rapporte toutes ses observations à un objet unique, rarement dans la spécialité à laquelle cet objet appartient, il ne se crée pas cette sorte de compétence qui résulte de l'habileté. C'est là toute l'histoire de ma grande aptitude à découvrir les voleurs. Dès que je fus agent secret, je n'eus plus qu'une seule pensée, et tous mes efforts tendirent à réduire autant que possible à l'inaction les misérables qui, voulant méconnaître les ressources du travail, ne cherchent leur subsistance que dans les atteintes plus ou moins criminelles aux droits de propriété. Je ne me fis point illusion sur le genre de succès que j'ambitionnais, et je n'avais pas la folle prétention de croire que je parviendrais à extirper le vol. Mais en faisant au voleur une guerre à outrance, j'espérais le rendre moins fréquent. J'ose dire que le bonheur de mes débuts surpassa mon attente et celle de M. Henri. À mon gré, ma réputation grandit même avec beaucoup trop de rapidité, car la réputation trahissait le mystère de mon emploi, et du moment que j'étais connu, il fallait ou que je renonçasse à servir police, ou que je la servisse ostensiblement. Dès lors, ma tâche devenait bien plus difficile. Cependant, les obstacles ne m'effrayèrent pas, et comme je ne manquais ni de zèle, ni de dévouement, je pensais qu'il me serait encore possible de ne pas déchoir de la bonne opinion que l'autorité avait conçue de moi. Désormais, il n'y avait plus moyen de feindre avec les malfaiteurs. Le masque tombé, à leurs yeux, je devenais un mouchard et rien de plus. Toutefois, j'étais un mouchard en meilleure situation que la plupart de mes confrères. Lorsque je ne pouvais pas faire autrement que de me mettre en évidence, les temps de ma mission secrète devaient me profiter encore, soit par les relations que j'avais conservées, soit par l'ample provision de signalements et de renseignements de toute espèce que j'avais classés dans ma mémoire. J'aurais pu alors, à l'exemple de certains rois du Portugal, mais plus sûrement que lui, juger les gens sur la mine, et désigner aux sbires les êtres dangereux dont il convenait de purger la société. L'arbitraire dans la police était pourvu à cette époque, et la faculté des détentions administratives qui faisait ma puissance me laissait une prodigieuse latitude pour exercer mon savoir physiognomonique appuyé de notions positives. Mais il me semblait que dans l'intérêt public, il était bon d'agir avec un peu moins de légèreté. Certes, rien ne m'eût été si aisé que d'encombrer les prisons. Les voleurs, et l'on qualifiait ainsi quiconque avait été mis en jugement pour un fait contraire à la probité, n'ignoraient pas que leur sort était entre les mains du premier comme du dernier agent, et que pour les faire enfermer indéfiniment à Bicêtre, il suffisait d'un rapport vrai ou faux. Ceux surtout qui avaient déjà été repris de justice étaient les plus exposés à subir les conséquences de ces sortes de dénonciations qu'on ne prenait pas même la peine de contrôler. Il y avait en outre dans la capitale une foule d'individus mal notés ou mal famés, à tort ou à raison, qui n'étaient pas traités avec plus de ménagement. Ce mode de répression avait des inconvénients graves, puisqu'il pouvait frapper l'innocent comme le coupable, celui qui s'était amendé comme celui qui se montrait incorrigible. Certes, quand une fête ou une solennité quelconque devait amener à Paris un grand concours d'étrangers pour débarrasser le pavé, il était fort commode de faire ce que l'on appelait une rafle. Mais, la circonstance passée, il fallait remettre en liberté tous les détenus contre lesquels il ne s'élevait que des présomptions, et les associations pour le crime sortaient toutes formées par le moyen même que l'on employait pour les dissoudre. Tel qui, en s'isolant de sa vie antérieure, était rentré dans des voies honnêtes, se trouvait forcément rendu à des habitudes vicieuses et reprenait malgré lui ses anciennes fréquentations. Tel autre, réputé mauvais sujet, était à la veille de changer de conduite et, jeté parmi les brigands, confondu avec eux, il était perdu sans retour. Le système suivi était donc des plus déplorables. J'en imaginais un autre qui consistait non à sévir contre les suspects, mais à faire prendre en flagrant délit ceux qui étaient justement suspectés. À cet effet, je classais les voleurs d'après le genre que chacun d'eux affectionnait le plus particulièrement, et dans chaque catégorie, j'eus soin de me ménager des intelligences afin d'être instruit de ce qui s'y passait, de façon qu'il ne se commettait pas un vol, que je n'en fusse informé, et que l'on ne m'en fît connaître les principaux auteurs. Assez ordinairement, mes espions, hommes ou femmes, car je n'avais de l'un et de l'autre sexe, avaient participé au crime. Je le savais, mais dans la persuasion où j'étais, qu'ils ne tarderaient pas à m'être livrés à leur tour par quelque autre faux frère qui les devancerait dans la dénonciation, je consentais à les laisser provisoirement derrière le rideau. Cette tolérance était de telle nature que la justice n'y perdait rien. Dénoncés ou dénonciateurs, tous arrivaient au même but, le bagne. Il n'y avait d'impunité pour personne. Sans doute, ils me répugnaient de recourir à de tels auxiliaires, et surtout de me taire sur leur compte lorsque j'étais convaincu de leur culpabilité. Mais la sûreté de Paris l'emportait sur des considérations qui n'eussent été que morales. Si je parle, me disais-je, quand j'avais affaire à un indicateur de cette espèce, je ferai condamner un coquin. Mais si je n'épargne aujourd'hui, 50 de ces affidés, qu'il est prêt à me livrer, vont échapper à la vindicte des lois, et ce calcul me prescrivait une transaction qui durait aussi longtemps qu'elle était utile à la société. Entre les voleurs et moi, les hostilités n'en étaient pas moins permanentes. Seulement je souffrais que l'ennemi parlementât, et j'accordais tacitement des sauvegardes, des sauf-conduits et des trêves, qui expiraient d'elles-mêmes à la première infraction. Le faux-frère devenant victime d'un autre faux-frère, je n'avais plus la puissance de m'interposer entre le délit et la répression, et le délinquant perfide succombait, trahi par un délinquant non moins perfide que lui. Ainsi, je faisais servir les voleurs à la destruction des voleurs. C'était là ma méthode, elle était excellente, et pour ne pas en douter, il suffira de savoir qu'en moins de 7 années, j'ai mis sous la main de la justice plus de 4 000 malfaiteurs. Les classes entières de voleurs étaient aux abois. De ce nombre étaient les rouletiers, qui dérobent les chargements sur les voitures. J'avais à cœur de les réduire entièrement. Je tentais l'entreprise, mais elle faillit me devenir funeste. Je n'ai jamais oublié le propos de M. Henri à cette occasion. Ce n'est pas tout de bien faire, il faut encore prouver que l'on a bien fait. Deux des plus intrépides rouletiers, les nommés Gonnet et Doré, effrayés de mes efforts pour anéantir leur industrie, prirent tout à coup le parti de se dévouer à la police, et en très peu de temps, ils me procurèrent l'arrestation de bon nombre de leurs camarades, qui furent tous condamnés. Ils paraissaient zélés, je devais à leurs indications quelques découvertes de la plus haute importance, et notamment celles de plusieurs receleurs, d'autant plus dangereux que dans le commerce, ils jouissaient d'une grande réputation de probité. Après des services de cette nature, il me sembla que l'on pouvait compter sur eux. Je sollicitai donc leur admission en qualité d'agent secret, avec un traitement de 150 francs par mois. Ils ne souhaitaient rien de plus, disaient-ils, c'était à ces 50 francs que se bornait leur ambition. Je le croyais du moins. Et comme je voyais en eux mes futurs collègues, je leur témoignais une confiance presque sans bornes. On va voir comment ils la justifièrent. Depuis quelques mois, 2 ou 3 rouletiers des plus adroits étaient arrivés à Paris, où ils ne s'endormaient pas. Les déclarations pleuvaient à la préfecture. Ils faisaient des coups d'une hardiesse inconcevable. Et il était d'autant plus difficile de les prendre sur le fait qu'ils ne sortaient que de nuit, et que, dans leurs expéditions sur les routes qui avoisinent la capitale, ils étaient toujours armés jusqu'aux dents. La capture de tels brigands ne pouvait que me faire honneur. Pour l'effectuer, j'ai été prêt à affronter tous les périls. Lorsqu'un jour, Gonnet, avec qui je m'étais souvent entretenu à ce sujet, me dit « Écoute, Jules, si tu veux que nous ayons Marron Mailleur, Victor Marquet et son frère, il n'y a qu'un moyen. C'est de venir coucher chez nous. Alors nous serons plus à même de sortir aux heures convenables. » Je devais croire que Gonnet était de bonne foi. Je consentis à aller m'installer momentanément dans le logement qu'il occupait avec Doré, et bientôt nous commençâmes ensemble les explorations nocturnes sur les routes que fréquentaient assez habituellement Maillère et les 2 Marquets. Nous les y rencontrâmes plusieurs fois, mais ne voulant les saisir qu'en action, ou tout au moins porteurs du butin qu'ils venaient de faire, nous fûmes obligés de les laisser passer. Nous avions déjà fait quelques-unes de ces promenades sans résultat, quand il m'arriva de remarquer chez mes compagnons un certain je ne sais quoi qui me fit concevoir des inquiétudes. Il y avait dans leur manière avec moi quelque chose de contraint. Peut-être se promettaient-ils de me jouer quelque mauvais tour. Je ne pouvais lire dans leurs pensées, mais à tout hasard, je n'allais plus avec eux sans avoir sur moi des pistolets, dont je m'étais muni, à leur insu. Une nuit que nous devions sortir sur les 2 heures du matin, l'un d'eux, c'était Doré, se plaint tout à coup de coliques qui le font horriblement souffrir. Les douleurs deviennent de plus en plus aiguës, il se tord, il se plie en deux. Il est évident que dans cet état, il ne pourra marcher. La partie est en conséquence remise au lendemain. Et puisqu'il n'y a rien à faire, je me rejette sur le flanc et m'endors. Peu d'instants après, je m'éveille en sursaut. Je crois avoir entendu frapper à la porte. Des coups redoublés me prouvent que je ne me suis pas trompé. Que veut-on? Est-ce nous que l'on demande? Ce n'est pas probable puisque personne ne connaît notre retraite. Cependant, un de mes compagnons m'a soulevé. Je lui fais signe de se tenir quoi. Il ne s'élance pas moins de son lit. Alors à voix basse, je lui recommande d'écouter, mais sans ouvrir. Il se place près de la porte, Gonnet, couché dans la chambre contiguë, ne bougeait pas. On continue de frapper, et par mesure de précaution, je me hâte de passer mon pantalon et ma veste. Doré, après en avoir fait autant, retourne se mettre aux aguets. Mais tandis qu'il prête l'oreille, sa maîtresse me lance un coup d'œil tellement expressif que je n'ai pas de peine à l'interpréter. Je soulève mon matelas du côté des pieds. Que vois-je? Un énorme paquet de fausses clés et une pince. Tout est éclairci, j'ai deviné le complot. Et afin de le déjouer, je m'empresse, sans maudire, de placer les clés dans mon chapeau et la pince dans mon pantalon. Puis puis, m'approchant de la porte, je vais écouter à mon tour. On cause tout bas, et je ne puis rien comprendre de ce qui se dit. Cependant, je présume qu'une visite si matinale n'est pas sans but. J'attire Doré dans la seconde pièce, et là, je le préviens que je vais tâcher de savoir ce que c'est. « Comme tu voudras, » me dit-il. On frappe de nouveau. Je demande « Qui est là ?»« Monsieur Gonnet, n'est-ce pas ici ?» s'enquiert-on d'une voix doucereuse. « Monsieur Gonnet, c'est l'étage au-dessous, l'appareil porte. Merci, excusez de vous avoir réveillé. Il n'y a pas de mal. » On descend, j'ouvre sans faire de bruit, et en dessous, je suis aux latrines. J'y précipite d'abord la pince, je me prépare à y jeter les clés, mais on entre derrière moi, et je reconnais un inspecteur, le nommé Spliquette, attaché au cabinet du juge d'instruction. Il me reconnaît également. « Ah, me dit-il, c'est après vous qu'on cherche. Après moi, et pourquoi ? Et mon Dieu, pour rien. C'est Monsieur Vigny, juge d'instruction, qui désire vous voir et vous parler. Si ce n'est que cela, je vais remettre ma culotte et je suis à vous. Dépêchez-vous que je prenne votre place et attendez-moi. » J'attends l'inspecteur et nous redescendons ensemble. La chambre est pleine de gendarmes et de mouchards. Monsieur Vigny est au milieu d'eux. Aussitôt, il me donne lecture d'un mandat d'amener décerné contre moi, ainsi que contre mes hôtes et leurs femmes. Ensuite, pour remplir le vœu d'une commission rogatoire, il ordonne la perquisition la plus exacte. Il ne me fut pas difficile de voir d'où le coup partait. Surtout lorsque Spliquette, soulevant le matelas, et surpris sans doute de n'en rien trouver, regarda d'une certaine façon Gonnet, qui avait l'air tout stupéfait. Son désappointement ne m'échappa pas. Je m'aperçus qu'il était passablement contrarié. Quant à moi, pleinement rassuré, « Monsieur, dis-je au magistrat, je vois avec peine que dans l'espoir de se rendre intéressant, on vous a fait faire un pas de clerc. On vous a trompé, il n'y a rien ici de suspect. D'ailleurs, Monsieur Gonnet ne le souffrirait pas. N'est-ce pas, Monsieur Gonnet, que vous ne le souffririez pas ? Répondez donc à Monsieur le juge. » Il ne pouvait faire autrement que de confirmer mon dire, mais il ne parla que du bout des lèvres, et il ne fallait pas être sorcier pour pénétrer le fond de son âme. La perquisition terminée, on nous fit monter dans deux fiacres après nous avoir garrottés, et l'on nous conduisit au palais où nous fûmes déposés dans une petite salle appelée la souricière. Enfermé avec Gonnet et Doré, je me gardais bien d'exprimer les soupçons que je formais sur leur compte. À midi, on nous interroge, et vers le soir, on nous transfère, mes deux compagnons à la force et moi à Sainte-Pélagie. Je ne sais comment cela se fit, mais le trousseau de clés, que je gardais dans mon chapeau, resta imperceptible pour tous ces observateurs qui d'ordinaire encombrent le guichet d'une prison. Bien que l'on n'eût pas négligé de me fouiller, on ne le trouva pas et je n'en fus pas fâché. J'écrivis sur le champ à M. Henri pour lui annoncer la trame qu'on avait ourdie contre moi. Je n'eus pas de peine à le convaincre que j'étais innocent, et deux jours après je recouvrais ma liberté. Je reparus à la préfecture avec les clés si heureusement dérobées à toutes les investigations. Je m'estimais heureux d'avoir échappé au péril, car je m'étais trouvé à deux doigts de ma perte. Sans la maîtresse de Doré et sans ma présence d'esprit, nul doute que je ne fusse retombé sous la juridiction des argousins. Porteur d'instruments à voleur, j'étais frappé par une nouvelle condamnation, dont ma qualité d'évadé suppliait les motifs. Enfin, j'étais ramené au bagne. M. Henri me réprimanda au sujet d'une imprudence qui avait failli m'être si fatale. « Voyez, me dit-il, où vous en seriez si Gonnet Doré avait conduit cette intrigue avec un peu plus d'adresse. »« Bidoc, » ajouta-t-il, prenez garde à vous, ne poussez pas trop loin le dévouement. Surtout, ne vous mettez plus à la discrétion des voleurs. Vous avez beaucoup d'ennemis. N'entreprenez rien sans y avoir mûrement réfléchi. Avant de risquer une démarche à l'avenir, venez me consulter. Je profitais de la vie et je m'en trouvais bien. Gonnet et Doré ne restèrent pas longtemps à la force. À leur sortie, j'allais les voir, mais je ne laissais pas apercevoir que je soupçonnais leur perfidie. Toutefois, pressé de prendre ma revanche pour une partie que je n'avais pas perdue, je leur décochais un mouton et ne tardai pas à apprendre qu'ils avaient commis un vol dont toutes les preuves étaient faciles à produire. Arrêtés et condamnés, ils eurent pendant 4 ans le temps de penser à moi. Quand la sentence qui fixait leur sort eût été rendue, je ne manquais pas de leur faire une visite. Lorsque je leur racontais comment j'avais connu et déjoué leur projet, ils pleurèrent de rage. Gonnet, ramené dans la prison d'Auray, dont il s'était évadé, imagina un moyen de vengeance qui ne lui réussit pas. Feignant le repentir, il fit appeler un prêtre, et sous le prétexte de lui faire une confession générale, il lui avoua un bon nombre de vols dans lesquels il eut soin de m'impliquer. Le confesseur à qui ma prétendue participation n'avait pas été confiée sous le sceau du secret adressa à la préfecture une note dans laquelle j'étais violemment inculpé, mais les révélations de Gonnet n'eurent pas le résultat qu'il s'en était promis. Ce fut l'arbitraire que l'on déployait contre les voleurs qui propagea parmi eux la manie de s'entre-dénoncer et les poussa, s'il est permis de s'enfermer ainsi, au comble de la démoralisation. Auparavant, ils formaient au sein de la société une société à part, qui ne comptait ni traîtres ni transfuges. Mais lorsqu'on se mit à les proscrire en masse, au lieu de serrer leur rang dans leur effroi, ils jetèrent un cri d'alarme qui légitimait tout expédient de salut au détriment même de l'ancienne loyauté. Une fois que le lien qui unissait entre les membres de la grande famille des Larrons eut été rompu, chacun d'eux, dans son intérêt privé, ne se fit plus scrupule de livrer ses camarades. Aux approches des crises, qui coïncidaient toutes avec des époques marquantes, telles que le premier jour de l'an, la fête de l'empereur, ou toute autre solennité, il fallait voir comme les dénonciations pleuvaient à la deuxième division. Pour échapper à ce que les agents appelaient le bel ordre, c'est-à-dire l'ordre d'arrêter tous les individus réputés voleurs, c'était à qui fournirait la police le plus d'indications utiles. Il ne manquait pas les suspects, qui s'empressaient de jouer les bons serviteurs en lançant les mouchards sur ceux d'entre leurs camarades dont le domicile n'était pas connu. Aussi ne fallait-il pas longtemps pour remplir les prisons. On pense bien que dans ces battues générales, il était impossible qu'il ne se commît pas une multitude d'abus. Les plus révoltantes injustices restaient souvent sans réparation. De malheureux ouvriers qui, à l'expiration d'une simple peine correctionnelle, s'étaient remis au travail et s'efforçaient par leur bonne conduite d'effacer le souvenir de leur tort passé, se trouvaient enveloppés dans la mesure et confondus avec des voleurs de profession. Il n'y avait pas même pour eux possibilité de réclamer. Entassés au dépôt, le lendemain, ils étaient amenés devant le terrible Limodin qui leur faisait subir un interrogatoire. Quel interrogatoire, grand Dieu ! Ton nom, ta demeure, tu as subi un jugement ? Oui, monsieur, mais depuis que je travaillais. Assez, un autre. Mais, monsieur Limodin, je... Paix, un autre, c'est entendu, j'espère. Celui à qui l'on imposait silence allait alléguer en sa faveur les meilleures raisons. Libéré depuis plusieurs années, il pouvait produire des preuves de son honnêteté, faire attester par 1000 témoins qu'il avait contracté des habitudes laborieuses, enfin qu'il était irréprochable sous tous les rapports, mais monsieur Limodin n'avait pas le loisir de l'entendre. « On n'en finirait pas, disait-il, si l'on voulait s'occuper de pareilles babioles. » Quelquefois, dans une matinée, cet interrogateur brutal expédiait de la sorte jusqu'à 100 personnes, hommes ou femmes, qu'il dépêchait les uns à Bicêtre, les autres à Saint-Lazare. Il était sans pitié. À ses yeux, rien ne pouvait racheter un instant d'égarement. Combien de pauvres diables sortis des voies du crime n'y ont été rejetés que par lui ? Plusieurs des victimes de cette implacable sévérité se repentaient d'un amendement dont on ne leur tenait pas compte et juraient, dans leur exaspération, de devenir des brigands fieffés. « Que nous a servi d'être honnêtes ?» disaient quelquefois ces infortunés. « Voyez comme on nous traite. Autant vaudrait être coquin toute sa vie. Pourquoi faire des lois si on ne les observe pas ? À quoi bon nous avoir condamnés à temps si l'on n'admet pas que nous puissions nous corriger ? C'était plutôt fait de nous juger à perpétuité ou à mort. Puisqu'une fois que nous sommes dans le bon chemin, on nous empêche d'y rester. » J'ai entendu une multitude de récriminations de ce genre. Presque toujours, elles étaient fondées. « Voilà 4 ans que je suis sorti de Sainte-Pélagie, » disait devant moi un de ces détenus. « Depuis ma libération, j'ai toujours travaillé dans la même boutique, ce qui prouve que je ne me dérangeais pas et qu'on était content de moi. Eh bien, on m'a envoyé à Bicêtre sans que j'aie commis de délit et seulement parce que j'ai subi 2 années de prison. » Cette atroce tyrannie était sans doute ignorée du préfet. Je me plais à le croire. Cependant, c'était en son nom qu'elle s'exerçait. Avoués au secret, les agents étaient alors des êtres bien redoutables, car leur rapport était reçu comme article de foi. Arrêtait-il un homme du peuple s'il le signalait comme voleur dangereux et incorrigible, et c'était toujours la formule, tout était dit, l'homme était écroué sans rémission. C'était l'âge d'or des mouchards, puisque chacun de ces attentats à la liberté individuelle leur valait une prime. À la vérité, cette prime n'était pas forte. Ils avaient un petit écu par capture, mais pour un petit écu, que ne fera pas un mouchard, s'il n'y a pas de danger à courir ? Au surplus, si la somme était modique, ils visaient au nombre, afin qu'il fût souvent répété. D'un autre côté, les voleurs qui désiraient acheter leur liberté par des services dénonçaient également, à tort et à travers, tous ceux qu'ils avaient connus, qu'ils fussent corrigés ou non. À ce prix, ils obtenaient de rester à Paris. Mais bientôt, les détenus, usant de représailles, ils allaient forcément leur tenir compagnie. On ne se fait pas d'idée du nombre d'individus que les détentions administratives ont précipités dans des récidives qu'ils auraient évitées si l'on eût renoncé plus tôt à cet abominable système de persécution. Si on les eût laissés tranquilles, jamais ils ne se fussent compromis, mais quelle que fût leur résolution, on les mettait dans la nécessité de redevenir voleurs. Quelques libérés, c'était une exception, obtenaient, à l'expiration de leur peine, de n'être pas envoyés en suspicion à Bicêtre, mais alors même, on ne leur donnait aucune espèce de papier, de telle sorte qu'il leur était impossible de se procurer de l'ouvrage. Ceux-là avaient la ressource de mourir de faim, mais on ne se résigne pas volontiers à un si cruel supplice. Ils ne mouraient pas et volaient. Le plus ordinairement, ils dénonçaient et volaient à la fois. Cette rage de mouchardise fit d'incroyables progrès. Les faits pour le prouver sont tellement abondants que je ne suis embarrassé que du choix. Souvent, dans la disette des larcins à me signaler, les dénonciateurs me révélaient, en les imputant à d'autres, des crimes qui devaient motiver leur propre condamnation. Je vais citer des exemples. Une nommée Bailly, ancienne voleuse, enfermée à Saint-Lazare, me fait appeler pour me donner des renseignements. Je me rends près d'elle, et elle me déclare que si je m'engage à la faire mettre en liberté, elle m'indiquera les auteurs de 5 vols, dont 2 avec effraction. J'accepte le marché, et les détails qu'elle me communique sont si précis que déjà je crois n'avoir plus qu'à tenir ma promesse. Cependant, en réfléchissant aux diverses circonstances qu'elle m'a rapportées, je m'étonne qu'elle ait pu en être instruite aussi parfaitement. Elle m'avait désigné les personnes volées. L'une d'elles était un sieur Frédéric, rue Saint-Honoré, passage Virginie. Je vais d'abord chez lui, et dans le cours des informations que je prends, j'acquiers la certitude que la révélatrice est seule l'auteur du vol commis au préjudice de ce traiteur. Je poursuis mon enquête, et partout c'est son signalement que l'on me donne. Il ne s'agissait plus que de procéder à la vérification. Les plaignants sont introduits à Saint-Lazare, et là, sans être vus de la fille Bailly, que je leur montre au milieu de ses compagnes, ils la reconnaissent parfaitement. Une confrontation légale s'ensuivit, et la fille Bailly, accablée par l'évidence, fit des aveux qui lui valurent 8 ans de réclusion. Elle eut tout le temps de dire son mea culpa. Cette femme avait accusé de ses vols 2 de ses camarades, contre lesquels une moralité suspecte aurait pu faire élever des présomptions. Une autre voleuse, surnommée la belle Bouchère, m'ayant fait des révélations de même nature que celles de la fille Bailly, ne fut pas plus heureuse qu'elle. Un nommé Oas, dont le père devait être plus tard impliqué dans le procès de l'épicier Poulain, me signale 3 individus comme auteurs d'un vol avec effraction, commis la veille, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, chez un débitant de tabac. Je me transporte sur les lieux, je m'informe, et bientôt j'acquiers la preuve incontestable que Oas, récemment libéré, n'est pas étranger au crime. Je dissimule, mais en me servant de lui, je m'y prends si bien qu'il est arrêté comme complice et condamné à la réclusion. Cette mésaventure aurait dû le corriger de la manie de dénoncer. Mais voulant à tout prix être mouchard, il fit au procureur du roi de Versailles diverses déclarations mensongères qui lui valurent 2 ou 3 ans de prison. J'ai déjà dit que les voleurs ne gardent pas rancune. À peine sorti, Oas accourt chez moi, c'est encore un vol dont il vient me donner avis. Je fais vérifier d'après son indication, le vol était réel. Mais le croirait-on, le voleur était Oas. Atteint et convaincu, il fut condamné de nouveau. Pendant sa détention, ce misérable, ayant appris l'arrestation de son père, se hâta de m'adresser des révélations à l'appui de l'accusation dirigée contre ce dernier. Mon devoir était de les transmettre à l'autorité. Je le fis, mais ce ne fut pas sans éprouver toute l'indignation que devait exciter la conduite de ce fils dénaturé. Dans mon emploi, c'eût été me priver d'un moyen de police des plus efficaces que de rompre en visière avec les voleurs. Aussi, ne me suis-je jamais entièrement isolé d'eux. Tout en leur faisant la chasse, je paraissais encore prendre intérêt à leur sort. Étais-je chien ou loup? Tel était le doute qu'il me convenait de laisser dans leur esprit. Et ce doute, si favorable à la calomnie, toutes les fois que l'on m'a imputé une connivence qui, dans la réalité, n'existait pas, n'a jamais été bien éclaircie pour eux. Voilà pourquoi les voleurs se sont rendus en quelque sorte les artisans de l'espèce de renommée que je me suis acquise. Ils imaginaient que j'étais ouvertement leur ennemi, mais qu'intérieurement je ne demandais pas mieux que de les protéger. Quelquefois, ils allaient jusqu'à me plaindre d'être obligés de faire un métier comme celui que je faisais, et pourtant ils m'aidaient eux-mêmes à le faire. Parmi les voleurs de profession, il en était bien peu qui ne regardassent comme un bonheur d'être consultés par la police pour un renseignement, ou employés pour un coup de main. Presque tous se seraient mis en 4 pour lui donner des preuves de zèle, dans la persuasion qu'elle leur vaudrait, sinon une immunité entière, du moins quelques ménagements. Ceux qui redoutaient le plus son action étaient presque toujours les plus disposés à la servir. Je me rappelle à ce sujet l'aventure d'un forçat libéré, le nommé Boucher, dit Cadet Poignon. Il y avait plus de 3 semaines que j'étais à sa recherche, quand le hasard me le fit rencontrer dans un cabaret de la rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Bras d'Or. J'étais seul, et il était en nombreuse compagnie. Tenter de le saisir avec sa brupto, c'eût été m'exposer à le manquer, car il pouvait se faire qu'il voulût se défendre et qu'il fût soutenu. Boucher avait été agent de police, je l'avais connu dans cet emploi, et même nous étions assez bien ensemble. Il me vient dans l'idée de l'aborder comme ami, et de lui monter un coup à ma manière. J'entre au cabaret, et à l'endroit à la table où il est assis, je lui tends la main en lui disant « Bonjour, mon ami Cadet. Tiens, là l'ami Jules, veux-tu te rafraîchir? Demande un verre ou prends le mien. Le tien est bon, tu n'as pas la gale aux dents. » Je bois. « Ah ça, je voudrais bien te dire un mot en particulier. Avec plaisir, mon fils, je suis à toi. » Il se lève et je le prends sous le bras. « Tu te souviens, lui dis-je, du petit matelot qui était de ta chaîne ?»« Oui, oui, un petit gros court qui était du 2e cordon, n'est-ce pas ?»« C'est ça, tout juste, du moins je le pense. Le reconnaîtrais-tu ?»« Ce serait mon père que je ne le connaîtrais pas mieux. » Il me semble encore le voir sur le banc 13, faire des patarasses, des bourrelets pour garantir les jambes, pour les fagots, les forçats. Je viens d'arrêter un particulier. J'ai bien idée que c'est lui, mais je n'en suis pas sûr. En attendant, je l'ai mis au poste de Birague, et comme j'en sortais, je t'ai vu entrer ici. Parbleu, me suis-je dit, ça se rencontre bien, la Cadet, il pourra me dire si je me suis trompé. Je suis tout prêt, mon garçon, si ça peut t'obliger. Mais avant de partir, nous allons boire un coup. » S'adressant à ses camarades, « Mes amis, ne vous impatientez pas, c'est l'affaire d'une minute et je suis à vous. » Nous partons. Arrivé à la porte du poste, la politesse exige que je laisse entrer le premier. Je lui fais les honneurs. Il va jusqu'au fond de la salle, examine partout autour de lui et cherche en vain l'individu dont je lui ai parlé. « Hé !» me dit-il, « d'où qu'il est ce fagot que je le remouche, que je le considère ?» J'étais alors près de la porte. J'aperçois, incrusté dans le mur, un débris de miroir tel qu'il s'en trouve dans la plupart des corps de garde pour la commodité des fashionables de la garnison. J'appelle Boucher en lui montrant le débris réflecteur. « Tiens, lui dis-je, c'est par ici qu'il faut regarder. » Il regarde et se tournant de mon côté. « Ah ça, Jules, tu blagues. Je ne vois que toi et moi dans cette glace. Mais l'arrêter où qu'il est, l'arrêter. Apprends qu'il n'y a personne ici d'arrêter que toi. Tiens, voilà le mandat qui te concerne. Ah, pour ça, c'est un vrai tour de gueusard. Tu ne sais donc pas que dans ce monde, c'est au plus malin. Au plus malin tant que tu voudras. Ça ne te portera pas bonheur de monter des coups à de bons enfants. » Lorsque la voie pour arriver à une découverte importante était hérissée de difficultés, les voleuses m'étaient peut-être d'un plus grand secours que les voleurs. En général, les femmes ont des moyens de s'insinuer qui, dans les explorations de police, les rendent bien supérieures aux hommes. Alliant le tact à la finesse, elles sont en outre douées d'une persévérance qui lui conduit toujours au but. Elles inspirent moins de défiance et peuvent s'introduire partout sans éveiller les soupçons. Elles ont en outre un talent tout particulier pour se lier avec les domestiques et les portières. Elles s'entendent fort bien à établir des rapports et à bavarder sans être indiscrètes. Communicatives en apparence, alors même qu'elles sont le plus sur la réserve, elles excellent à provoquer les confidences. Enfin, à la force près, elles ont au plus haut degré toutes les qualités qui constituent l'aptitude à la mouchardise, et lorsqu'elles sont dévouées, la police ne saurait avoir de meilleurs agents. M. Henri, qui était un homme habile, les employa souvent dans les affaires les plus épineuses, et rarement il n'a pas eu à se louer de leur intelligence. À l'exemple de ce chef, dans maintes occasions, j'ai eu recours au ministère des mouchardes. Presque toujours j'ai été satisfait de leur service. Cependant, comme les mouchardes sont des êtres profondément pervertis, et plus perfides peut-être que les mouchards, avec elles, pour ne pas être trompé, j'avais besoin d'être constamment sur mes gardes. Le trait suivant montrera qu'il ne faut pas toujours croire aux ailes dont elles font parade. J'avais obtenu la liberté de 2 voleuses en renom, à la condition qu'elles serviraient fidèlement la police. Elles avaient antérieurement donné des preuves de leur savoir-faire, mais, employées sans traitement et obligées de se livrer au vol pour subsister, elles s'étaient fait reprendre en flagrant délit. La peine qu'elles subissaient pour ces nouveaux méfaits fut celle dont j'abrégeais la durée. Sophie Lambert et la fille d'Homère, surnommée la belle Lise, furent dès lors en relation directe avec moi. Un matin, elles vinrent me dire qu'elles étaient certaines de procurer à la police l'arrestation du nommé Tomino, homme dangereux, que l'on avait longtemps recherché. Elles venaient, assurèrent-elles, de déjeuner avec lui, et il devait dans la soirée les rejoindre chez un marchand de vin de la rue Saint-Antoine. Dans toute autre circonstance, j'aurais pu être dupe de la supercherie de ces femmes, mais Tomino avait été arrêté par moi la veille, et il était assez difficile qu'elles eussent déjeuné avec lui. Je voulus savoir néanmoins jusqu'où elles pousseraient l'imposture, et je promis de les accompagner à leur rendez-vous. J'y allai en effet, mais comme on le pense bien, Tomino ne vint pas. Nous attendîmes jusqu'à 10 heures. Enfin Sophie, jouant l'impatience, s'informa près du garçon de cave s'il n'était pas venu un monsieur lui demander. « Celui avec qui vous avez déjeuné ?» répondit le garçon. « Il est venu un peu avant la brune. Il m'a chargé de vous dire qu'il ne pourrait pas se trouver avec vous ce soir, mais que ce serait pour demain. » Je ne doutais pas que le garçon ne fût un compère à qui l'on avait fait la leçon, mais je feignis de ne point concevoir de soupçons et me résignai à voir combien de temps ces dames me promèneraient. Pendant une semaine entière, elles me conduisirent tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Nous devions toujours y trouver Tomino et jamais nous ne le rencontrions. Enfin, le 6 janvier, elles me jurent de l'amener. Je vais les attendre, mais elles reparaissent sans lui et m'allèguent de si bonnes raisons qu'il m'est impossible de me fâcher. Je me montre au contraire très satisfait des démarches qu'elles ont faites, et pour leur témoigner combien je suis content d'elles, j'offre de les régaler d'un gâteau des rois. Elles acceptent, et nous allons ensemble nous installer au petit broc rue de la Verrerie. Nous tirons la fève. La royauté échoit à Sophie, elle est heureuse comme une reine. On mange, on boit, on rit, et quand approche le moment de se séparer, on propose de mettre le comble à cette gaieté par quelques coups d'eau-de-vie. Mais de l'eau-de-vie de marchand de vin, fi donc, c'est bon tout au plus pour des forts de l'âle, et je suis trop galant pour que ma reine s'enivre d'un breuvage indigne d'elle. À cette époque, j'étais établi distillateur près du tourniquet Saint-Jean. J'annonce que je vais aller chez moi chercher la fine goutte. À cette nouvelle, la compagnie saute d'enthousiasme, on me recommande d'aller de revenir bien vite. Je pars, et 2 minutes après, je repars avec une demi-bouteille de cognac qui fut vidée en un clin d'œil. La chopine se trouva sec. « Ah ça, voyez que je suis bon enfant !» dis-je à mes deux commères. « Il s'agit de me rendre un service. »« Deux, mon ami Jules, c'est qu'à Sophie. Voyons, parle. » Eh bien, voilà ce que c'est. Un de mes agents vient d'arrêter 2 voleuses. On présume qu'ils ont chez elles une grande quantité d'objets volés, mais pour faire perquisition, il faudrait connaître leur domicile. Ils refusent de l'indiquer. Elles sont maintenant au poste du marché Saint-Jean. Si vous y alliez, vous tâcheriez de leur arracher leur secret. 1 heure ou 2 vous suffiront pour leur tirer les vers du nez. Ça vous sera bien aisé, vous qui êtes des malignes. Sois tranquille, mon cher Jules, me dit Sophie. Nous nous acquitterons de la commission. Tu sais que l'on peut s'en rapporter à nous. Tu nous enverrais au bout du monde, que nous irions pour te faire plaisir, du moins moi. Et moi donc, reprit la belle Lise. En ce cas, vous allez porter un mot au chef du poste, afin qu'il vous reconnaisse. J'écris un billet que je cachette. Je le leur remets et nous sortons ensemble. À peu de distance du marché Saint-Jean, nous nous séparons, et tandis que je reste en observation, la reine et sa compagne se dirigent vers le corps de garde. Sophie entre la première, elle présente le billet, le sergent le lit. « C'est bien. Vous voici toutes 2. Caporal, prenez avec vous 4 hommes et conduisez ces dames à la préfecture. » Ce commandement était fait en vertu d'un ordre que j'avais remis au sergent pendant ma sortie pour aller chercher la goutte, et il était ainsi conçu. Monsieur le chef du poste fera conduire sous sûre et bonne escorte à la préfecture de police les nommées Sophie Lambert et Lise Demers arrêtées par les ordres de monsieur le préfet. Ces dames durent leur faire de singulières réflexions. Sans doute qu'elles devinèrent que je m'étais lassé d'être leur jouet. Quoi qu'il en soit, j'allais les voir le lendemain au dépôt et leur demander comment elles avaient trouvé le tour. « Pas mal, » répondit Sophie, « pas mal. Nous ne l'avons pas volé. » Puis, s'adressant à Lise, « Aussi, c'est ta faute à toi. Pourquoi veux-tu chercher un homme qui est enfoncé ? Le savais-je ? Ah, bah, si je l'avais su, je te promets bien. Et puis, que veux-tu ? C'est un enfant de fête, il n'y a plus qu'à le bercer. » Tout cela est bel et bon, si encore on nous disait pour combien nous serons à Lazare. Parle donc, Jules, le sais-tu? 6 mois, au moins. Ce n'est que ça, s'écrièrent-elles ensemble. 6 mois, c'est rien du tout, continua Sophie. C'est bientôt passé, un coup qu'on est là. Enfin, mon doux bénin Jésus, à la volonté du préfet. Elles en eurent pour 1 mois de moins que je ne leur avais annoncé. Dès qu'elles furent libres, elles vinrent me trouver pour me donner de nouveaux renseignements. Cette fois, ils étaient exacts. Une particularité assez remarquable, c'est que les voleuses sont plus ordinairement incorrigibles que les voleurs. Sophie Lambert ne put jamais prendre sur elle de renoncer à son péché d'habitude. Dès l'âge de 10 ans, elle avait débuté dans la carrière du vol et elle n'en avait pas 25, que plus d'un tiers de sa vie s'était écoulée dans les prisons. Peu de temps après mon entrée à la police, je la fis arrêter et condamner à 2 années de détention. C'était principalement dans les hôtels garnis qu'elle exerçait sa coupable industrie. On n'était pas plus habile à déjouer la vigilance des portiers, ni plus féconde en expédients pour échapper à leurs questions. Une fois introduite, elle faisait une halte sur chaque palier pour donner son coup d'œil. Apercevait-elle une clé sur quelque porte, elle faisait tourner sans bruit dans la serrure, se glissait dans la chambre, et si la personne qui l'occupait était endormie, quelque léger qu'elle eût le sommeil, Sophie avait la main encore plus légère, et en moins de rien, montre, bijoux, argent, tout passait dans sa gibecière. C'était le nom qu'elle donnait à une poche secrète que recouvrait son tablier. Le locataire que Sophie visitait était-il éveillé? Elle en était quitte pour faire des excuses, en déclarant qu'elle s'était trompée. S'éveillait-il pendant qu'elle opérait? Sans se déconcerter, elle courait à son lit et le pressant dans ses bras. « Ah, pauvre petit Mimi, disait-elle, viens donc que je te baise. » « Ah, monsieur, je vous demande bien pardon. Comment, ce n'est pas ici le numéro 17 ? Je croyais être chez mon amant. » Un matin, un employé qu'elle était en train de dévaliser, ayant tout à coup ouvert les yeux, l'aperçoit près de sa commode. Il fait un mouvement de surprise, aussitôt Sophie, de jouer sa scène. Mais l'employé est entreprenant. Il veut profiter de la prétendue méprise. Si Sophie résiste, un son d'argent, produit des agitations de la lutte, peut trahir le but de la visite. Si elle cède, le péril est encore plus grand. Que faire? Pour tout autre, la conjoncture serait des plus embarrassantes. Sophie n'est plus cruelle, mais à l'aide d'un mensonge, elle tourne la difficulté et l'employé satisfait lui permet d'effectuer sa retraite. Il ne perdit à ce jeu que sa bourse, sa montre et ses couverts. Cette créature était une intrépide. Deux fois, elle donna tête baissée dans mes filets, mais après sa libération, en vain essayai-je de la tirer dans le piège. Il n'y avait plus de surveillance à laquelle elle ne réussit à se soustraire, tant elle était sur ses gardes. Cependant, ce que je n'attendais plus de mes efforts pour la prendre en flagrant délit, je le dus à une circonstance tout à fait fortuite. Sorti de chez moi à la petite pointe du jour, je traversai la place du Châtelet, lorsque je me rencontre face à face avec Sophie. Elle m'aborde avec aisance. « Bonjour, Jules. Où vas-tu donc si matin? Je gage que tu vas enfoncer quelque ami. » « Cela se pourrait. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas toi. Mais où vas-tu toi-même ? » ?»« Je pars pour Corbeil, où je vais voir ma sœur qui doit me placer dans une maison. Je suis lasse de manger du collège, de la prison. Je rengracie, je m'amende. Veux-tu boire la goutte ?»« Volontiers, c'est moi qui régale. Un poisson chez le pêtre, à 6 sols. »« Allons, je te laisse faire, mais dépêchons-nous, que je ne manque pas la diligence. Tu m'y accompagneras, n'est-ce pas ? C'est dans la rue Dauphine. » « Impossible, j'ai affaire à la chapelle. Je suis déjà en retard. Tout ce que je puis, c'est de prendre un petit verre sur le pouce. » Nous entrons chez le pêtre. En buvant, nous échangeons encore 2 ou 3 paroles, et je lui dis adieu. « Adieu, Jules. Bonne réussite. » Tandis que Sophie s'éloigne, je détourne la rue de la Hommerie et cours me cacher au coin de celle Planche Mibray. De là, je la vois filer sur le pont au change. Elle marche à grands pas et regarde à chaque instant derrière elle. Il est certain qu'elle craint d'être suivie. J'en conclus qu'il serait à propos de la suivre. Je gagne donc le pont Notre-Dame, et le franchissant avec rapidité, j'arrive assez tôt sur le quai pour ne pas perdre sa trace. Parvenue dans la rue Dauphine, elle entre effectivement au bureau des voitures de Corbeil, mais persuadée que son départ n'est qu'une fable imaginée pour me tromper sur le but de son apparition matinale, je me tapis dans une allée d'où je puis épier sa sortie. Tandis que je suis ainsi en vedette, un fiacre vient à passer. Je m'y installe et je promets au cocher un bon pourboire s'il suit adroitement une femme que je lui désignerai. Pour le moment, nous devions stationner. Bientôt, la diligence part. Sophie n'y est pas, je l'aurais parié. Mais quelques minutes après, elle se présente à la porte cochère, examine avec soin de tous côtés et, prenant son essor, elle enfile la rue Christine. Elle entre successivement dans plusieurs maisons garnies, mais à son allure, il est aisé de reconnaître que l'occasion ne s'est pas offerte. D'ailleurs, elle persiste à explorer le même quartier. J'en tire la conséquence naturelle, qu'elle a manœuvré sans succès, et comme je suis persuadé que sa tournée n'est pas finie, Je me garde bien de l'interrompre. Enfin, rue de la Harpe, elle entre dans l'allée d'une fruitière, et un instant après, elle reparaît portant au bras un énorme panier de blanchisseuse. Elle en avait sa charge. Toutefois, elle ne laissait pas d'aller très vite. Elle fut bientôt dans la rue des Mathurins-Saint-Jacques, puis dans celle des Maçons-Sorbonne. Malheureusement pour Sophie, il est un passage qui communique de la rue de la Harpe à la rue des Maçons. C'est là qu'après avoir mis pied à terre, je cours m'embusquer, et quand elle arrive à la hauteur de l'issue, je débouche et nous nous trouvons nez à nez. À mon aspect, elle change de couleur et veut parler, mais son trouble est si grand qu'elle ne peut venir à bout de s'exprimer. Cependant, elle se remet peu à peu et feignant d'être hors d'elle-même. « Tu vois, me dit-elle, une femme en colère. Ma blanchisseuse qui devait m'apporter mon linge à la diligence m'a manqué de parole. Je viens de lui retirer et je vais le faire repasser chez une de mes amies. Cela m'empêchait de partir. C'est comme moi. En allant à la chapelle, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que mon homme était dans ce quartier. C'est là ce qui m'y amène. Tant mieux. Si tu veux m'attendre, je vais à deux pas porter mon panier et nous mangerons une côtelette. Ce n'est pas la peine, je... Eh mais qu'est-ce que j'entends ? Sophie et moi, nous restons stupéfaits. Des cris aigus s'échappent du panier. Je lève le linge qu'il recouvre et je vois un enfant de 2 à 3 mois dont l'évagissement aurait déchiré le tympan d'un mort. Eh bien, dis-je à Sophie, le poupon est sans doute à toi. Pourrais-tu me dire de quel sexe il est ? Allons, me voilà encore enfoncé. Je me souviendrai de celle-là. Et si jamais on me demande le sujet pourquoi, je pourrais répondre rien, presque rien, une affaire d'enfant. Une autre fois, quand je volerai du linge, j'y regarderai. Et ce parapluie, en est-il ? Eh mon Dieu, oui ! Comme tu vois, j'avais pourtant de quoi me mettre à couvert. Ça n'a pas empêché. Quand la chance y est, on a beau faire. Je conduisis Sophie chez M. Defresne, commissaire de police, dont le bureau était dans le voisinage. Le parapluie fut gardé comme pièce de conviction. Quant à l'enfant qu'elle avait enlevé à son insu, on le rendit immédiatement à sa mère. La voleuse en eut pour 5 ans de prison. C'était, je crois, la 5e ou 6e condamnation qu'elle subissait. Depuis, elle s'est encore fait reprendre de justice, et je ne serais pas surpris qu'elle fût toujours à Saint-Lazare. Sophie ne voyait rien que de très naturel au métier qu'elle faisait, et la répression, lorsqu'elle ne pouvait l'éviter, était pour elle un accident tout comme un autre. La prison ne lui faisait pas peur, loin de là. Elle était en quelque sorte à se faire. Sophie avait contracté ses goûts plus que bizarres, que ne justifie pas l'exemple de l'antique Sappho, et sous les verrous, les occasions de s'abandonner à ces honteuses dépravations étaient plus fréquentes. Ce n'était pas, comme on le voit, sans motif qu'elle prisait si peu la liberté. Était-elle arrêtée, l'événement lui causait bien quelque peine, mais ce n'était qu'une impression passagère, et elle se consolait bientôt par la perspective des mœurs qui lui plaisaient. C'était un bien étrange caractère que celui de cette femme, que l'on en juge. Une nommée Gillion, avec qui elle vivait dans une coupable intimité, est prise en commettant un vol. Sophie, qui l'assistait, parvient à s'échapper. Elle n'a plus rien à craindre. Mais ne pouvant supporter d'être séparée de son amie, elle se fait dénoncer et n'est contente qu'au moment où on lui dit l'arrêt qui va encore les réunir pour 2 ans. La plupart des créatures de cette espèce se font un jeu de la prison. J'en ai vu plusieurs traduites pour un délit qu'elles avaient commis seules, accusées de complicité une camarade et celle-ci, quoique innocente, se faire un mérite de se résigner à la condamnation.